je déserte, je passe à l'étranger pour m'engager chez les Canadiens et continuer la guerre à côté des Britanniques. Il se trouve que d'autres Français ont eu la même idée que moi, si bien qu'au lieu de rejoindre les Britanniques, je rejoins ces Français-là. Ça s'appelle des Français libres, c'est le général de Gaulle qui les a fondés. Je ne le savais pas. Car à Djibouti, où je me trouvais à l'époque, l'état de siège avait fait qu'on nous avait confisqué tous les postes radio. C'est bien que je ne savais pas qu'il y avait un général allemand. Moi, j'arrive chez les Canadiens parce que je ne parle pas l'anglais. On m'a mis dans un régiment canadien-français. Ça aurait fait l'affaire.